Écoute, on te connaît pas. Et laisse nous dire que tu prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous recto, comme on dit de nos jours. Tu ajoutes maintenant 50 kilos de TNT, 2 ou 3 litres de nitro, hein, des fois qu'on vient à manquer.